Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 15 aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée sur l'entrée d'un nouveau sous-marin nucléaire américain en Corée du Sud. En voici le résumé. Comme le monde le sait, les États-Unis ont expédié en juin dernier en Corée du Sud le sous-marin nucléaire Mississippi et l'escadron de bombardiers stratégiques B-52H, et le 13 courant, le sous-marin nucléaire supergéant Ohio de 18 000 tonnes, équipé de la capacité d'attaque de missiles et de stealth, y est entré. L'apparition successive dans la péninsule coréenne des moyens de frappe nucléaire stratégique des États-Unis, alors que les rapports coréo-américains et la situation régionale s'avèrent extrêmement exacerbés, c'est la révélation de la tentative hostile d'étouffer à tout prix notre République et l'ambition de maîtriser militairement les autres pays concurrents de la région et de se procurer de la suprématie militaire en Asie Nord-Est. La paix durable dans la péninsule coréenne et la région est impossible seulement par nos efforts unilatéraux, mais elle n'est possible que lorsqu'un terme est mis aux actions hostiles militaires des États-Unis, auteurs de la tension de la situation et leur politique d'hostilité anachronique envers la Corée. L'actuelle situation où les États-Unis recourent obstinément à la politique hostile envers notre pays nous pousse davantage à renforcer la dissuasion nucléaire autodéfensive. Inébranlable est notre volonté de mettre un terme une fois pour toutes au danger de guerre nucléaire imposé par les États-Unis avec la dissuasion nucléaire puissante et de défendre la paix dans la péninsule coréenne et la région.